بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فأجردو للدوز دو مواد السفر عبد الله 1442 après la jarre de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous entamons le 8e cours de notre série de cours concernant le commentaire du livre de notre cheikh Al-Allama Rabi' al-Nihad al-Madkhali Hafidhahullah ta'ala, intitulé Aide-mémoire de traditions prophétiques, de hadith concernant la croyance et le suivi. Aujourd'hui, avec nous, le 11e hadith, qui est celui rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, an Abi Huraira, radiyallahu anhu, anna Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, qal, inna Allah yarda lakum thalatha, ويسخط لكم ثلاثة يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ici il y a une erreur dans le PDF qu'on avait mis sur la chaîne Al-Dhikr, celui que vous trouvez même sur le site de Cheikh Hafidhahullah. Ici il y a comme erreur ولا تشركوه به شيئا dans le hadith ولا تشركوا به شيئا ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان تناصحوا من ولاه الله امركم ويسقط لكم ثلاثا قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال رواه مسلم ومالك واحمد. Dans le sens approximatif de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, en français, d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah agrée pour vous trois choses et déteste pour vous trois choses. Il agrée pour vous que vous l'adoriez et que vous ne lui associez rien, que vous vous cramponniez tous au câble d'Allah et que vous conseillez ceux qu'Allah vous a mis comme gouverneur. Et il déteste pour vous les on-dit, le fait de poser trop de questions et le gaspillage de l'argent ou le gaspillage des biens. Celui qui rapporte le hadith, donc comme à son habitude, Cheikh Hafidhahullah Ta'ala fait une brève présentation de Rawi al-Hadith, celui donc qui rapporte le hadith parmi les Sahaba, qui est ici Abu Huraira, radiallahu anhu, qui est un grand compagnon, un compagnon que vous connaissez tous, qui est celui qui a rapporté le plus de ahadith. Encore une fois, on rappelle que les sept qui ont rapporté le plus de ahadith, comme le dit As-Suyuti dans son poème qui fait plus de 1000 vers, Al-Alfiya fi ilm al-hadith, il dit: wal muktsiruna min riwayati al-athar Abu Hurayrata yalihi ibn Umar wa Anas wal Bahr kal-Khudri وَجَابِرٌ وَزَوْجَةٌ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. Donc le premier d'entre eux, ici rappelé par As-Suyuti, donc c'est quelques vers pour apprendre les sept qu'on appelle Al-Muksirun, ceux qui ont rapporté le plus de hadith du prophète صلى الله عليه وسلم. Abu Hurayrata يليه ابن عمر. Donc le premier Abu Hurayra et celui qui vient après lui, ابن عمر, et les sept, ou le reste des sept après cela. Abu Huraira, donc celui qui rapporta le plus de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants ont divergé concernant son nom. Certains ont dit qu'il s'appelait Abdurrahman ibn Sakhr, d'autres ont dit ibn Ghanam, d'autres ont dit autre que cela. Et la plupart des savants ont jugé que le plus authentique était le premier, c'est-à-dire qu'il s'appelle Abdurrahman ibn Sakhr. Et son sa kunya, qui est en fait son surnom, qui est sous forme de kunya, Abu Huraira. Il est mort, ce dernier, radiallahu anhu, en 59, après la hijra du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Rabi, comme à son habitude, Hafidhahullah, a donné un titre qui illustre ce hadith. Il dit: l'agrément d'Allah dans trois choses et le désagrément d'Allah Azzawajal dans trois choses. Ce hadith est un hadith important qu'il est bon pour vous, comme la plupart de ces hadiths ou comme l'ensemble de ces hadiths qui ont été rapportés par Cheikh Hafidhahullah dans cette aide-mémoire, de l'apprendre, de le mémoriser, de le parcouriser. C'est un hadith qui renferme beaucoup d'enseignements. Comme cela, Shir a, comme à son habitude, a donné l'explication des mots de ce hadith. Nous, on va délaisser cette explication des mots pour entrer directement dans le sens général du hadith, car nous allons retrouver cette explication dans le sens du hadith. Et la plupart des mots, ils ont été expliqués dans la traduction approximative que nous avons fait de ce hadith. On s'arrêtera simplement sur la première de ces explications, où c'est les deux premiers mots qui sont « ar-rida » ou « as-sakhat ». Donc Allah Azza wa Jal agrée et déteste. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Inna Allah yarda lakum salatan wa yaskhatu lakum salatan » C'est-à-dire, comme nous l'avons traduit, Allah agrée certes pour vous trois choses et déteste pour vous trois choses. Ces deux-là, ar-rida wa as-sakhat, le fait qu'Allah Azza wa Jal agrée et son désagrément, sont deux attributs parmi les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, des attributs qui lui sont, par lesquels nous le caractérisons à la manière qu'il convient à sa magnificence subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, ces attributs ne ressemblent pas, ces attributs, lorsque tu qualifies Allah Azza wa Jal par ses attributs, bien sûr, il est exempt de toute ressemblance à ses créatures. Comme cela, Cheikh a donné la définition de l'ibada, et cette définition, c'est vous qui allez la donner aujourd'hui, comme on a l'habitude de faire. L'ibada, puisqu'Allah Azza wa Jal agrée pour vous trois choses, et la première de ces choses, anta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, que vous l'adoriez seul et que vous ne lui associez rien. Mais qu'est-ce que l'ibada? Salim. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wa al-a'mal zahiran wa batinan. Ahsant, en français, si l'un d'entre vous l'a en français, habdakumullah. Voilà. Adoration, c'est un mot qui englobe tout ce qu'Allah il aime et agréé comme parole et acte, qui soit apparent ou caché. Ahsant, ahsant, ahsant. C'est un mot qui englobe tout ce que Allah Azza wa Jal aime et agréé parmi les actes et les paroles apparentes ou cachées. Comme on a dit, ceci est très important de bien comprendre cette définition, de bien l'apprendre et de bien la comprendre au moment où tu œuvreras dans ta religion, afin de savoir si cette œuvre est bien une adoration, et si cette œuvre est bien une adoration, au moment où elle sera vouée à autre qu'Allah Azza wa Jal, elle sera qualifiée comme du shirk, comme de l'association. Donc cette chose-là est primordiale. Cette définition est très importante pour le musulman, de bien l'apprendre et de bien comprendre ce mot, al-ibada, l'adoration. Dans ce hadith, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint à unifier Allah tabaraka wa ta'ala, seul et sans associé. Le fait de l'adorer et de respecter le plus grand de ses droits, qui est At-tawhid, l'unicité dans son adoration tabaraka wa ta'ala. Et ceci est, comme nous l'avons déjà vu, le but de la création des hommes et des djinns, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Comme cela, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonna de nous écarter de shirk, l'association, dans son adoration subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que le serviteur ne doit pas associer qui que ce soit parmi les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala, et il ne doit pas les prendre comme être adoré en dehors d'Allah azza wa jal, que ce soit dans l'invocation, que ce soit dans la demande du secours, que ce soit lorsque tu égorges, tu n'égorgeras, tu ne sacrifieras que pour Allah tabaraka wa ta'ala, comme cela lorsque tu prêteras un serment pieux, un nadr, comme cela dans ton espérance, tu n'espéreras que en Allah tabaraka wa ta'ala, comme cela la peur, comme cela le fait de se remettre à lui dans toutes tes affaires. Car ces choses sont des adorations. Et l'adoration est un droit qui n'appartient qu'à Allah, tabaraka wa ta'ala. ou qui ne doit être voué, ou ses adorations ne doivent être vouées qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est son droit sur ses serviteurs. Et ce dernier n'accepte pas et n'agrée pas qu'on lui donne quelques associés, que ce soit un ange rapproché ou un prophète envoyé. Le deuxième de ces enseignements et de ces orientations prodiguées par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, le fait qu'il nous ordonna de nous accrocher, de nous cramponner au câble d'Allah. Et Cheikh ici nous dit que le câble d'Allah tabaraka wa ta'ala est ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, et cramponnez-vous au câble d'Allah ensemble et ne vous divisez pas. Qu'est-ce que le câble d'Allah? Le câble d'Allah, hablullah, les savants l'ont expliqué de différentes manières. Des explications, des exégèses qui ont été rapportées par nombre de compagnons, comme cela de At-Tabi'in. Nous voyons que parfois, le câble d'Allah Azza wa Jalla est expliqué comme étant la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cramponnez-vous à la sunnah du messager sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, le câble d'Allah, hablullah, sera expliqué comme étant la ilaha illallah, la parole d'unicité. Parfois, le câble d'Allah sera expliqué comme étant l'islam. Et tout cela, comme le disent les savants du tafsir, sont des explications qui sont acceptables et qui reviennent à la même chose. C'est-à-dire que ce ne sont pas des explications qui se contredisent les unes les autres. Plutôt, elles sont en concordance avec les unes avec les autres. C'est pour ça que les savants, lorsqu'ils expliquent, ils expliquent le câble d'Allah, hablullah, ils disent que c'est toutes ces choses-là. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'islam, c'est al-sharia, c'est-à-dire la législation, c'est la ilaha illallah. Ici, Cheikh nous dit que le câble d'Allah, c'est ce avec quoi est venu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le livre d'Allah, la sunna, sa sunna, sallallahu alayhi wa sallam, tous ces enseignements avec lesquels il est venu, ces enseignements concernant les croyances du musulman, comme cela les adorations qu'il doit vouer à son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, comme cela les bons comportements dans sa manière de se comporter avec son Seigneur, comme cela avec les créatures. Et Shir nous dit qu'il n'est pas permis à un musulman, que ce soit une personne parmi les... ce soit un être seul, c'est-à-dire un musulman seul parmi les musulmans qui composent la communauté, comme cela il n'est pas permis à un groupe de musulmans, comme cela il n'est pas permis à une communauté parmi les communautés musulmane, que ce soit un gouverneur comme un gouverné, il ne leur est pas permis, il n'est permis à personne de sortir de ces fondements de l'islam avec lesquels sont venus le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sortir de ces fondements comme de ses ramifications. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis à un musulman de contredire une chose parmi les choses avec lesquelles sont venus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plutôt, il lui est obligatoire de s'y conformer. Il est obligatoire de croire et de se conformer en tout ce avec quoi est venu le sceau des messagers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui est obligatoire de l'avancer à tout autre que cela, d'avancer sa parole et sa guider à la parole de n'importe qui d'autre et à la guider de n'importe qui d'autre que lui sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième de ces enseignements avec lesquels est venu notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith est l'obligation de conseiller nos gouverneurs, ceux qui gouvernent l'affaire des musulmans. Et ceci ne sera effectif que en s'entraidant avec eux, en leur prodiguant notre aide selon ce qu'implique la vérité, selon l'obéissance ou sur l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Et il nous sera obligatoire de leur obéir d'obéir au gouverneur des musulmans dans ce qu'il nous ordonne. Comme cela, il conviendra aux musulmans de leur rappeler avec une bonne manière et avec douceur lorsque ces derniers oublient et lorsque ces derniers sont insouciants sur des points de la religion. Le musulman devra les conseiller et leur rappeler à ce moment-là. Et parmi cela, le fait de conseiller les gouverneurs et de rester avec eux, il y a le fait de délaisser Al-Khuruj, le fait de sortir contre eux, de se révolter contre eux. Ceci est une chose, comme nous l'avons évoqué précédemment, qui fait partie de la voie de Al-Khawarij. Il ne fait pas partie de la voie des gens de la Sunna. Que ce soit directement en se révoltant contre eux par les armes, essayer de faire tomber le gouvernement, ou que ce soit par la parole, c'est-à-dire en critiquant ces derniers, que ce soit de manière publique ou en privé. Et bien sûr, ceci est plus dangereux encore lorsque ceci est fait en public, sur un minbar, pendant un cours, pendant un sermon de Jumu'a, pendant ce qu'ils appellent des manifestations, que ces manifestations soient, comme ils le prétendent, pacifiques ou non. Tout ceci est interdit et tout ceci va à l'encontre de la voie de notre religion. Comme cela, il est obligatoire de prier derrière eux lorsqu'ils officient la prière. Il est interdit de délaisser la prière derrière les gouverneurs lorsque ces derniers sont ceux qui officient les prières obligatoires comme la prière du Jumu'ah. Et Cheikh revient sur le fait qu'il est interdit aussi de se révolter contre eux en les combattant, en prenant les armes, lorsque ces derniers ont eu de mauvais comportements. C'est-à-dire qu'il sera interdit de se révolter contre eux, même si ces derniers se comportent d'une mauvaise manière avec leurs gouvernés. Ceci est une chose qui est interdite sans condition lorsque le gouverneur est un gouverneur musulman. Ici, Cheikh nous rappelle aussi qu'il fait partie de la sunna de faire des invocations pour eux, d'invoquer pour eux afin qu'Allah Azza wa Jal les réforme et leur accorde la bonne guidée, bien sûr. Le quatrième de ces enseignements que nous retirons de ce hadith, l'interdiction des on-dit. Comme il est venu dans le hadith, « qil wa qal ». On a dit, il m'a été rapporté, ce qu'on peut traduire par les on-dit. Et ceci se résume dans le fait de faire des débats à propos du faux, se résume aussi dans le fait de répandre la turpitude, de répandre aussi les fausses informations. Et comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens approximatif de ses paroles, il suffit à une personne pour être estimée comme étant un menteur de rapporter et de parler de tout ce qu'il a entendu. Comme cela, Cheikh ici a rappelé une parole ici, donc il dit qu'il fait partie des on-dit, le fait de parler, et ceci on le verra dans le cours sur le deuxième livre que nous étudions, les quatre règles autour desquelles tourne la religion. On le verra plus en détail, mais ici il a parlé, Cheikh, Hafizahullah, il a dit que faisait partie des on-dit le fait de parler de certaines affaires dans la religion qui ne sont pas encore arrivées, et de chercher des réponses à des affaires qui ne sont pas encore arrivées. C'est-à-dire, pour résumer, le fait de dire, as-tu vu s'il se passe telle ou telle chose, quelle serait la réponse? Comment devrait-on nous débrouiller dans notre religion? Comment devrons-nous œuvrer dans notre religion s'il se passe telle et telle chose? Les si, le fait de dire si, as-tu vu s'il se passe telle et telle chose? Ceci, on le verra plus en détail dans le deuxième cours, Inch'Allah ta'ala. Et Cheikh nous dit que ceci détourne les musulmans de l'étude du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'apprentissage des textes du Coran et de la sunna et de l'apprentissage de ce qu'il y a en eux, c'est-à-dire de leurs enseignements. Le cinquième de ces enseignements que nous retirons de ce hadith, l'interdiction de poser beaucoup de questions. Ceci ainsi, on le verra dans le deuxième cours aujourd'hui plus en détail. L'interdiction de poser beaucoup de questions. Et Cheikh nous dit ici que ceci englobe aussi le fait de demander aux gens ce qu'ils ont entre leurs mains. C'est-à-dire de demander des biens aux autres. De rechercher à combler son manque auprès des autres. Et Cheikh nous dit que ceci ne convient pas aux musulmans. Ne convient pas aux musulmans qui désirent Allah et qui désirent rester nobles et ne pas se rabaisser à cela, c'est-à-dire à rechercher sa subsistance en demandant aux autres de régler ses problèmes et de régler ses besoins. Et Cheikh nous dit que le fait de demander aux gens, cette demande-là, le fait de demander ses besoins aux gens, ceci est une chose qui est interdite à la base. Muharram. Ceci n'est pas autorisé, sauf en cas de nécessité. La nécessité, afin de connaître ce qu'elle est vraiment, je vous renvoie au cours que nous avons déjà fait précédemment dans les règles jurisprudentielles. Nous avions détaillé ce qu'était la nécessité, à quel moment cette dernière était autorisée, c'est-à-dire qu'il était autorisé aux musulmans de faire une chose interdite en cas de nécessité. Je vous renvoie à cela pour ne pas se répéter. Mais ici, Cheikh nous dit que le fait de demander, de rechercher ses biens auprès des gens, de demander aux gens de régler ces problèmes d'argent ici on parle, eh bien, ceci est une chose qui à la base est interdite, sauf en cas bien sûr de nécessité. Puis Cheikh nous dit, yarhamukallah, Cheikh nous dit ici, habibullah, que dans le fait de demander à la créature ses besoins, sans nécessité, il y a trois maux, trois méfaits, trois mal. Le premier, le méfait d'exposer sa pauvreté, yarhamukallah, d'exposer sa pauvreté, de s'appauvrir à autre qu'Allah Azza wa Jal. Et Cheikh nous dit que ceci est une sorte d'association. Le deuxième, et pour bien comprendre cela, donc quand on dit le fait d'exposer sa pauvreté, ce qu'on appelle en arabe l'iftiqar, ce n'est pas le fait de dire à quelqu'un je suis pauvre, de lui exposer ton cas, comme sur le fait que tu n'as pas de bien. On ne parle pas de ça, on parle de la recherche des biens, la demande de biens, le fait d'exposer, de montrer cette pauvreté à autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que lorsque le serviteur demande à son Seigneur, invoque son Seigneur, il doit montrer qu'il a besoin de son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, qu'il ne peut rien sans l'aide de son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. C'est ceci le sens de l'iftiqar, le fait de se montrer indigent face à Allah, tabaraka wa ta'ala, se montrer pauvre, de se montrer nécessiteux à Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas ici ce qui a été évoqué par Cheikh, pour bien comprendre, parce que le mot al-iftiqar, donc dans la traduction approximative, le fait d'exposer son indigence, ce n'est pas le fait de dire aux gens, voilà, d'exposer, voilà, je n'ai pas d'argent, j'ai telle et telle chose à régler comme facture, etc. On ne parle pas de cela. On parle du fait d'exposer cette indigence, ce besoin. Et ce besoin, tu l'exposes à Allah, tabaraka wa ta'ala. Lorsque tu l'invoques, lorsque tu lui demandes des biens, tu dois montrer à Allah, azza wa jal, ce besoin que tu as en lui, cette nécessité que tu as en lui, azza wa jal. Le deuxième de ces méfaits dans cela, le fait de demander des biens à la créature sans nécessité, le fait que tu nuis à la créature à qui tu auras demandé. Tu nuis à la personne à qui tu auras demandé. Et ceci est une sorte d'injustice faite à la créature, comme le dit Cheikh ici, hamdoullah. Le troisième de ces méfaits, le méfait de s'avilir, de se rabaisser devant autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, et ceci est une injustice que tu fais envers ta propre personne. Donc ici, pour résumer, Cheikh nous parle de trois méfaits dans le fait de demander, c'est bien de demander son besoin à autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, la créature, sans qu'il y ait de nécessité dans cela. Le fait que qu'il y a une injustice, il y a... tu seras tombé dans une sorte de polythéisme, de shirk, comme le dit ici Cheikh Hafidhahullah Ta'ala. Il y aura aussi cette injustice que tu auras fait envers la personne à qui tu auras demandé, et il y aura une injustice que tu auras fait envers ta propre personne lorsque tu te seras avili et rabaissé devant autre que ton Seigneur Tabaraka Ta'ala. Puis Cheikh nous dit que ceci, lorsque la personne à qui tu auras demandé sera une personne qui sera en vie et qui sera capable de répondre à ton besoin. Ceci est très important, on a déjà vu ce point-là précédemment. Lorsque cette personne sera une personne qui sera vivante et qui sera capable de répondre à ton besoin. Qu'en est-il de celui qui demande ses besoins à une personne qui est morte ou à une personne qui n'est pas présente et qui ne peut donc pas répondre à ses besoins, de demander ses besoins à quelqu'un d'autre que Allah tabaraka wa ta'ala, lorsque seul Allah azza wa jalla peut répondre à ton besoin? Qu'en est-il? Cheikh nous dit que ceci est exactement le polythéisme. Ceci est exactement l'association à Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci, pour faire une parenthèse, ceci est une chose qui est pratiquée, comme nous l'avons déjà vu, par nombre de musulmans, malheureusement, le fait qu'ils vont demander leurs besoins auprès de ce qu'ils appellent dans certains pays Sayyid, d'aller demander devant certaines personnes qu'ils estiment comme étant des personnes pieuses, certains mausolées, parfois même au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est mort, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne peut pas répondre à tes besoins. C'est-à-dire ici, on parle de demander ses besoins. Tu as un besoin d'argent, un besoin de quelque chose, tu peux aller voir ton voisin, par exemple, pour lui demander « Est-ce que tu peux me prêter tel et tel argent, par exemple ?» ou « Est-ce que tu peux me prêter du sucre, par exemple ?» Cette personne-là, elle est vivante et elle a la capacité de t'aider. Le fait de demander quoi que ce soit comme besoin à une personne morte, cette personne n'a aucune capacité de t'entendre. Comme cela, une personne qui sera vivante, mais qui ne sera pas présente. Et ceci, nous le trouvons beaucoup chez As-Soufiyya. Chez les soufis, ceci est beaucoup pratiqué. Ils demandent à leur chouyour, à leur gourou, c'est comme ça qu'on peut les qualifier, ils demandent à leur gourou alors qu'ils se trouvent peut-être ici en France et leur gourou se trouve à l'autre bout de la terre. Et ils lui demandent de répondre à ses besoins et de l'aider. Et ceci, comme le dit Cheikh, c'est du polythéisme pur. Comme cela, l'interdiction de poser beaucoup de questions, et ceci on le verra, comme je l'ai dit, plus en détail dans le prochain cours, Cheikh nous dit que cela englobe l'interdiction de demander, de poser beaucoup de questions ilmiya, beaucoup de questions à propos de la science. En particulier lorsque la personne ne désire pas une réponse, elle désire plutôt une exagération dans cela et lever des débats bien souvent à propos d'une chose qui n'est pas à propos du faux, comme cela. Le fait, encore une fois, de poser des questions sur des choses qui ne sont pas arrivées, qui n'arriveront peut-être jamais, et de demander la réponse à cela. As-tu vu s'il se passe telle chose, quand serait-il? Et si on dit que telle personne fait cela, quand serait-il? Ceci rentre dans l'interdiction de poser beaucoup de questions. Le sixième de ces enseignements, est, et de ses orientations prophétiques, est l'interdiction de, comment on l'a traduit ici, de gaspiller l'argent, de gaspiller les biens. Car les biens sont un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a dans ces biens qu'Allah azza wa jalla t'accorde une aide pour toi dans son obéissance. Il y a une aide pour toi dans l'aide que tu donneras à autre que toi, parmi ceux qui sont dans le besoin, parmi les pauvres, parmi les musulmans, parmi les proches, qui auront un besoin et autre que eux. Il est donc obligatoire pour le musulman de remercier son Seigneur de lui avoir accordé ses bienfaits. Il est obligatoire aussi de préserver ses bienfaits et de ne pas les gaspiller. Et ce gaspillage se manifestera dans le fait de dépenser ses biens dans des choses qui ne sont pas légiférées. Ceci est du gaspillage, le fait d'utiliser cet argent dans des choses qui ne sont pas légiférées ou dans des choses qui ne sont pas autorisées. Il ne lui sera pas donc légiféré, il lui sera plutôt interdit de gaspiller cet argent dans le chemin de Shaytan, dans le chemin de la désobéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme cela, il aura donc négligé ce bienfait qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui aura accordé. Et Cheikh, comme à son habitude, Habidallah résume les points, les bénéfices que nous tirons de ce hadith. Il dit parmi ses bénéfices l'obligation d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala de la manière légiférée. Le deuxième de ses bénéfices, l'obligation de s'écarter de toutes les sortes de shirk, de polythéisme, que ce soit du polythéisme mineur comme du polythéisme majeur, comme nous l'avons expliqué dans les cours précédents, la différence entre ces deux sortes de shirk, le mineur et le majeur, le polythéisme majeur et le polythéisme mineur. Parmi ces bénéfices que nous retirons de ce hadith, l'obligation de se cramponner au câble d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si le cheikh nous dit, et ce câble, le câble d'Allah est l'islam, avec lequel est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit le livre d'Allah ou la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de se cramponner à cela dans toute chose. Le quatrième de ces bénéfices que nous retirons de ce hadith, l'interdiction de se diviser en religion et l'obligation que les musulmans se réunissent sur la vérité. Ici, cette condition est très importante, l'obligation que les musulmans se réunissent, et Cheikh a bien précisé, al-haq, sur la vérité. Vous entendez beaucoup de gens qui appellent au fait de se réunir, le fait de délaisser les divergences, les dissensions qu'il y a entre les musulmans. Ceci est une obligation religieuse sans aucun doute. Mais ces divergences peuvent avoir une cause légiférée. On ne se réunit pas sur le faux. On ne se réunit pas sur autre que la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cette condition ici est une condition obligatoire. Le fait de se réunir, oui, ceci est une obligation pour les musulmans de ne pas diverger, de ne pas être en dissension, mais de se réunir sur quoi ? Sur la vérité. Sur l'islam authentique, l'islam avec lequel est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon le livre d'Allah, la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs, as-salaf as-salih, radwanallahi alayhim. Le cinquième de ces bénéfices que nous retirons de ce hadith, l'obligation de conseiller nos gouverneurs, les gouverneurs des musulmans, et de s'entraider avec eux sur la vérité et sur le bien. Le sixième de ces bénéfices que nous retirons de ce hadith, l'interdiction des on-dit, al-qil wal-qal, les on-dit, on m'a dit, j'ai entendu, il a été dit. Le septième de ces bénéfices, l'interdiction de demander un besoin à la créature. J'espère que ceci est clair, en fait, ce qu'on a exposé ici, ce que Cheikh a évoqué ici, ce que j'essaie de vous éclaircir, le fait que ce qui est interdit, ce n'est pas que tu demandes à ton voisin de te prêter un stylo, par exemple, ou tu es avec un de tes amis, tu as besoin de 5 euros, par exemple, parce qu'il te manque cela pour acheter telle et telle chose, ou du pain, ou etc. On ne parle pas de cela. Vous avez bien compris, le fait de demander à la personne cette chose qui est interdite, comme le Cheikh a dit, c'est une chose qui est à la base interdite, muharram, c'est le fait de demander aux autres de régler tes besoins. Comme le fait qu'une personne est capable de travailler, par exemple, mais elle demande aux autres, à ses prochains, s'il vous plaît, j'ai besoin d'argent pour payer mes factures. Ceci n'est pas acceptable. Ceci est une chose qui, lorsqu'elle est faite sans nécessité, est une chose interdite à la base. Et comme le Cheikh l'a rappelé, c'est une manière dont la personne a de s'avilir, de se rabaisser. Et ceci ne convient pas aux musulmans. Plutôt, le musulman doit rester noble et puissant. Donc l'interdiction de demander aux créatures, sauf bien sûr dans ce qu'ils peuvent faire, et en cas de nécessité. Et le Cheikh nous dit ici, le meilleur, ce qui sera meilleur pour lui, c'est le fait de se remettre à Allah, tabaraka wa ta'ala, at-tawakkul, et le fait de patienter. Et le dernier de ces bénéfices que nous retirons de ce hadith, l'interdiction du gaspillage de l'argent. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين